148. Remettre en question une décision. Vous prenez un poste de radio, vous dites, bon, ben, je vais écouter ce poste-là. Il y a une bonne séquence musicale. Et vous écoutez la séquence musicale, très bon, vous êtes satisfait. Vous avez pris une bonne décision, une décision qui vous plaît. La séquence suivante est moins bonne pour vos goûts personnels et vous décidez de changer de poste. Est-ce que vous avez pris une décision sur le poste ou vous avez pris une décision sur le fait d'écouter de la musique qui vous plaît? Souvent, les questions que l'on se pose par rapport à une décision sont liées à plus de profondeur que la décision de forme. La forme de la décision peut apparaître comme « je m'abonne à un poste de radio », alors que dans le fin fond de votre être, vous êtes plutôt abonné à concevoir une satisfaction, à retrouver, vous créez une addiction à un type de musique ou à un type de satisfaction qui vous emmène à changer de forme dans la décision. Donc, vous cherchez une ambiance musicale, vous ne cherchez pas un poste de radio en particulier. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est simple, c'est très simple. Mais dans la vie, c'est un peu la même chose. Vous avez une expérience à vivre, vous avez une étape de vie à rencontrer et à traiter pour votre maturité, pour votre exploration d'âme. Et ça ne vous engage pas à vie dans la forme, mais vous êtes plutôt engagé dans la vie à l'expérience que vous devez aller chercher pour donner à votre vie plus de définition. Le moteur d'une décision, c'est le climat de développement qui vous est nécessaire pour arriver à vraiment maturer, trouver le moyen d'être bien défini et de vous reproduire dans une information, dans une mission, dans une forme de fonction que vous avez avec les gens. C'est beaucoup plus occulte que vous le pensez. C'est ce qui fait que vous prenez beaucoup de décisions sur la forme et que vous êtes exposé à changer de direction dans cette même décision parce que les différents contours de votre fonction, les différents contours de votre mission avec les gens changent dans leurs besoins, changent dans le traitement que vous avez à faire dans la communication. Vous êtes obligé de vous adapter à une nouvelle façon de penser, souvent des gens, et de vous adapter vous-même à des changements, des mutations sur les prises de conscience que vous faites. À chaque fois que vous faites des prises de conscience nouvelles, ben, inévitablement, ça risque de changer votre traitement de l'information, le comment vous pensez pour pouvoir décider de telle ou telle façon. Et vous avez à ce moment-là des changements de comportement, des changements d'attitude et conséquemment des changements dans le processus décisionnel. Moi-même, j'étais exposé dans ma propre vie à l'époque où j'étais dans l'expérience de la vie de couple. Je me disais, ah ben tout le monde doit avoir un couple. Eh oui, jusqu'à temps que je divorce, jusqu'à temps que je me réessaye à me remettre dans une structure de couple, et à voir que, bon, comme m'a déjà dit une de mes bonnes amies, tu sais, une vie de couple, c'est un consentement mutuel, hein? C'est pas juste un qui décide pour l'autre du comment ça doit se faire ou comment ça doit fonctionner. Elle n'avait pas tort dans toutes les situations. J'aurais aimé ça pouvoir décider un peu plus. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. C'était vraiment une décision mutuelle. Dans la mesure où ce que vous décidez converge dans la même direction qu'un autre être humain ou de plusieurs êtres humains, qu'il y a regroupement de la ligne de conduite ou de la ligne de pensée, et que tout le monde, dans cette convergence-là, se dit, bon, en accord avec la toile de fond, ça va. Moi, j'ai adhéré à la psychologie supramentale où les principes de fond, c'est la pensée vient d'ailleurs, c'est pas nous autres qui passent dans le sens égoïque du terme. Et il faut pas croire parce que, bon, justement, la pensée peut muter de la réalité à la vérité, de la vérité revenir à une autre sorte de réalité. Et puis, nécessairement, à ce moment-là, ben, en adhérant à ça, pour pouvoir continuer à communiquer, à échanger avec des gens, il fallait que d'autres personnes aussi adhèrent à cette lecture, à cette expérience-là, et aussi d'avoir des preuves, des choses concrètes, comme on dit, à se mettre sous la dent pour pouvoir donner une définition pratique et concrète à ce pattern de « c'est pas nous autres qui pensent ». Donc, il y a des prises de décision de ma part qui ont été dans une direction qui n'a pas été prise en décision ou en mode de fonctionnement par tout le monde. Très petit groupe, avec le temps, très petit groupe. Mais probabilité pour un millier de personnes, 2000 personnes, probabilité, j'applique sur le mot probabilité parce que les gens ont été curieux de cette approche de mode de vie, ni plus ni moins, mais n'ont pas nécessairement pleinement adhéré à ça et conséquemment ont décidé de maintenir une compréhension de la vie dans le sens de « non, c'est moi qui pense, c'est moi qui décide, c'est moi qui est victime, c'est moi qui est le super héros de l'événement ou de la situation dans laquelle je m'implique. » OK, fine. Si moi, je décide d'adhérer à une ligne de conduite différente, il faut que je me fasse ma propre structure de preuve, ma propre dynamique de perception. Et c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans. Aujourd'hui, je peux dire que, bon, ou bien je suis profondément accroché, ou bien j'ai réussi à me donner une base assez concrète à la ligne de pensée, et que non pas que je ne décide pas autrement, mais les preuves m'ont donné la chance de me créer une certitude qui me stabilise dans ma décision de traiter un mode de vie sur la base de ce pour moi qui pense. Est-ce que je suis fixe? Oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis trop vieux pour en changer. Est-ce que l'usure d'une personne dans un processus de décision peut l'amener à se créer des habitudes telles qu'il n'est plus capable de changer de décision? Oui, c'est une approche qui est réaliste. Oui, effectivement, une personne peut s'habituer, si on peut dire ça comme ça, ou se cristalliser, le mot serait meilleur, se cristalliser dans un comportement et en arriver à dire, ben non, moi, j'ai pas le goût de changer de changerai pas de religion, je changerai pas de parti politique, je changerai pas des habitudes de vie parce que j'ai trop investi là-dedans, trop investi dans la famille, trop investi dans le couple. Je peux pas donner une possibilité à ce que ce soit différent. OK. Mais là, dites-vous bien que c'est pas parce que vous pouvez pas changer votre décision. C'est parce que vous êtes cristallisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne valeur ou de bonne possibilité ou qu'il n'y a pas une approche différente comme telle. Les mutations dans les cultures sont les mutations qui sont accordées à une culture qui influence un ensemble d'individus et dont l'ensemble d'individus en fait pratiquement une religion. Je pense à des musulmans, puis à des catholiques ou quoi que ce soit, pour remettre tous les gens dans un processus de volonté de regarder une décision différemment. Il faudrait refaire toute leur enfance, il faudrait refaire tout ce qui a été un brainwash, un lavage de cerveau pendant des années. Vous êtes certainement exposé dans votre vie à faire des grands changements, à être exposé à des transformations qui, pour votre survie matérielle, vous oblige d'étudier des nouvelles choses. Est-ce que le fait de passer de vendeur à une personne qui va faire des études en droit, c'est un changement de décision ou c'est pas plutôt une mutation de survie nécessaire pour améliorer ses conditions de vie dans la société? C'est là que la question se pose dans la notion de remettre en question une décision. Moi, je soutiens que décider, c'est pour des étapes. Je soutiens que toute personne qui veut changer sa décision doit le faire en ayant un regard très présent de ce qui est une étape de vie qui est terminée. Vous dites, bon, ben là, moi, je change de sport, par exemple. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de faire de la moto, de la compétition de moto. Et puis, un jour, j'ai eu à changer de sport parce que j'avais plus les compétences physiques. Et puis, je me suis en allé vers le tir de la carabine, les compétitions de tir, parce que physiquement, c'était moins exigeant. J'ai décidé, parce que mes ressources physiques n'étaient plus aptes à traiter avec le sport de la compétition de moto. Ça aurait été une question de survie, parce que passer 40 ans, c'est pas trop évident. Ça demande des réflexes incroyables pour pouvoir vraiment survivre là-dedans. Là, s'en aller vers la compétition de tir, à moins d'être devant la carabine, on est en danger. Mais si on est en arrière et que c'est tiré par en avant, évidemment, c'est moins dangereux. Et si les règles de sécurité sont toutes observées sur une ligne de tir, il n'y a pas personne qui est en danger. Donc, on comprend que changer de décision, c'est lié souvent à des changements d'étape. Vous êtes dans une autre étape de vie avec des compétences et des ressources différentes et vous allez être capable de traiter avec la nouvelle étape en question. Là, vous allez me dire, est-ce que je fais une bonne chose? La bonne chose étant que sur une fin d'étape, vous avez encore des ressources qui peuvent être utilisées à d'autres choses. Pas rare qu'une personne va manger au restaurant puis demande ce qu'on appelle carrément un doggy bag, un petit paquet pour retourner chez soi, puis réutiliser ce qui reste de la lasagne ou qui reste du dernier repas et puis qui est réutilisé dans le lendemain ou la soirée. Est-ce que le fait de réutiliser des ressources, c'est une erreur? Non. C'est simplement une autre façon de ne pas faire de gaspillage sur une ressource qui peut être mutée ou transformée ou simplement réutilisée dans un autre climat. Quand on est intelligent, on est vrai pour une étape et on devient réaliste pour d'autres étapes. La réalité ne maintient pas nécessairement la vérité. La réalité s'adapte à des circonstances. La vérité, c'est souvent une réalité de passage qui s'adapte à l'événement. Dans la conscience supramentale, la lecture de l'événement implique un mouvement vers l'événement, implique un rapport avec des gens qui font partie de l'événement. Qu'on rencontre des nouvelles personnes, on va dire, ben, c'est normal, si on a besoin de rencontrer des nouvelles personnes pour améliorer notre perception des choses, ben, c'est normal qu'on utilise ces gens-là dans une action donnée. Et qu'il soit nouveau, ben, ça fait simplement comme partie de l'utilisation des ressources que la personne propose. On n'est pas nécessairement en amour pour la vie privée de la personne, mais on peut être en échange de services avec quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour améliorer notre situation. Donc, c'est vrai pour une étape, c'est moins vrai pour une autre étape, donc il faut s'adapter à différentes réalités, dont chaque réalité est une vérité du moment, une vérité d'étape, une vérité en relation avec les gens avec qui on fonctionne. Mais ces réalités-là, qui changent selon la nature des personnes qu'on rencontre ou des événements qu'on a à faire face, ça suppose aussi des vérités qui changent. L'évolution d'un être, c'est une suite ininterrompue de mutations et de transformations jusqu'à sa mort, avec des prises de conscience pour chaque étape. Pour être capable de faire des prises de conscience, il faut avoir une certaine flexibilité et un regard qui se veut toujours neuf selon la façon dont on traite avec l'étape. Comme on dit souvent dans les proverbes populaires, mais il y a des mots, là, des phrases, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ben, la notion de changer de décision, c'est justement pour garder un esprit sain, une intelligence vive, parce que changer d'idée, souvent, ça vient avec le fait qu'on change d'idée pour avoir une décision qui varie. Est-ce qu'on est moins intense parce qu'on change de décision? Non, parce que c'est une question d'électricité. L'intensité de l'événement va nous propulser dans un processus décisionnel qui est selon le besoin. Vous pouvez prendre une décision quand vous êtes dans le trafic qui n'est pas la même que quand vous êtes sur une surface extrêmement glacée, même si vous êtes tout seul dans votre auto. La variation de votre prise de décision dans la conduite du véhicule dépend de l'événement, dépend de la situation, dépend des ressources aussi que vous avez. Donc, vous pouvez changer d'idée souvent par rapport à une forme de conduite. Je freine, j'accélère. Tout est varié en fonction de l'événement. Bon, ben, prendre une décision, c'est comme un peu comme prendre le volant d'un véhicule puis d'accélérer avec le véhicule pour se rendre à une place. Et puis, à un moment donné, on change notre décision parce qu'on freine. On est obligé, à cause de l'obstacle, de freiner. Donc, l'évolution d'une vie, c'est une suite ininterrompue de changements et de mutations qu'il ne faut pas moraliser, qu'il ne faut pas regarder sur la base de dire, bon, moi, je suis instable. Si vous êtes instable, étudiez votre instabilité comme un comportement et est-ce que vous êtes capable d'intensité? Est-ce que vous êtes capable d'être assez électrique pour être considéré une personne concentrée sur ce que vous avez à vivre ou à faire? Je pense que dans le processus décisionnel, ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement l'objectif en soi comme le comment on le vit. Fait que, même si on n'a pas les résultats voulus, si on a agi avec intensité, si on a donné le maximum de soi dans la décision, même si on doit éventuellement, à cause des événements, changer la direction de notre décision, bien, si on conserve toujours cette même intensité, cette même engagement dans l'action, moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce moment-là. Donc, vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne en mutation, donc vous êtes une personne en changement. Le point qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit, en principe, c'est du mouvement. Mais qui dit mouvement dit changement de place, changement d'événement, changement de situation. La chose qui nous raccroche dans l'âme, c'est le temps qu'on n'a pas dans l'esprit. Le temps, évidemment, ça suppose d'être le plus longtemps possible dans une étape, dans une ligne de conduite. Oui, mais si cette fixité-là installe une inertie et que vous n'êtes plus capable d'être en mouvement, vous perdez ce qu'on appelle de l'intelligence. Vous perdez une capacité de vous adapter, une capacité de vous engager dans d'autres étapes de vie qui peuvent être fondamentales pour vous, pour des prises de conscience éventuelles. Prise de conscience exige une subtilité, exige une sorte de capacité de regarder avec plus de profondeur. Mais pour ça, il ne faut pas être pris dans le temps, il ne faut pas être limité dans le temps. Voyons, faut ne pas donner au temps une plus grande importance que ce qu'on donne à un mouvement. Le mouvement est plus important que le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas passer du temps, mais plus vite vous changez d'espace, moins vous êtes prisonnier du temps et conséquemment, vous êtes capable d'activer des zones de croissance plus rapidement. Vous êtes une personne intelligente, vous chercherez tout le temps à avoir du mouvement. Si vous êtes une personne qui est liée au passé, au temps, vous êtes des gens plus faciles à astraliser et à fixer dans des vérités, et considérant ça, à nier des réalités. Parce que la réalité est étape et des étapes. La vérité, c'est vouloir fixer une étape le plus longtemps possible. Vous pouvez voir les dégâts que ça peut faire pour une personne qui a à s'adapter. Et vous pouvez comprendre aussi qu'il y a des gens qui deviennent handicapés sérieusement au changement. Donc, là, ils doivent s'adapter, ils ne sont pas capables. Le changement ne pouvant pas se faire, ben, ils sont éjectés de milieu, de groupe, ils sont éjectés même de la vie, et puis même le corps va les rejeter en quelque part. Donc, c'est très, très important de comprendre que le mouvement, c'est un bénéfice. Le temps, ça peut naître un autre pour d'autres raisons, mais qui ont tendance à fixer et à installer des comportements qui ne sont pas toujours à l'avantage de l'individu si celui-ci doit traiter avec une collectivité qui est en mutation. Bon, on va dire souvent que les vieux s'adaptent mal aux jeunes, puis ils n'ont pas tort non plus. Mais pour qu'un jeune puisse vouloir s'adapter à un vieux, faut il faut qu'il trouve son avantage. Mais il n'a pas nécessairement investi le temps dans un domaine qui justifie le phénomène ou l'avantage que le vieux a, lui, justifié. Donc, le vieux a pris des décisions, il en a tiré un bénéfice que le jeune n'est pas capable de reconnaître parce que son époque a changé. Donc, c'est intelligent pour le jeune d'avoir une autre perception, donc une autre vision du futur que le plus vieux qui, lui, y a trouvé son avantage, mais n'a pas été capable de s'adapter à ce que le jeune va proposer comme solution dans le futur. Sur ce, ben, on passe aux questions. Répète-moi ta question pour... Ultimement, qu'est-ce que ça prend pour avoir une grande capacité de l'adaptation? On va dire prérequis ultime. J'ai pas de mémoire, hein, mais si je me fie au fait que quand c'est intelligent, c'est intelligent, c'est qu'il faut que tu sois capable de renégocier ton raisonnement à l'infini pour pouvoir l'adapter à l'événement toute ta vie. Tu sais? Fait que si on te dit, bon, mais il te reste 5 ans à vivre, selon les caractéristiques médicales, tu dis, waouh, enfin! Le bout du tunnel. Hein? Le bout du tunnel. Ouais, le bout du tunnel, C'est ou comme... plutôt le début de la rencontre avec le tunnel, là, tu sais. Tu sais, bout du tunnel, donne-moi une chance. Fait que là, je reviens, puis mon gars, en plus, il vient me voir à l'hôpital, puis il était choqué que je sois malade. Pauvre chien. Et puis là, il me dit, c'est le last call. Yes. Puis il s'en va, il se fait sortir de l'hôpital parce qu'il était rendu trop agressif. Il était tellement choqué que je sois malade, il voulait me frapper là, pour voir si c'était pour m'aider. Écoute, ben, j'ai 14 pilules dans le corps, moi, là, c'est pas le temps de me fesser. Ça va être la 15e pilule de trop. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que, bon, ben, moi, je suis parti de son message transhistorique de last call, puis je suis revenu chez nous, j'ai dit, bon, c'est vrai, c'est le last call. Il me reste 5 ans à vivre, j'ai 65 ans, je suis vieux. Et puis, ben, je suis pas vieux, là, mais je veux dire, je me vote le fait que je suis vieux, puis dans 5 ans, je vais avoir de la misère à travailler. Et puis, le travail que j'ai à faire, c'est de faire parler le monde sur le contact avant de crever. C'est l'essence même du travail de Bernard, c'est pas nous autres qui pensent. C'est de faire la preuve aux gens qui sont capables de faire la différence entre ce qui est astral dans leur être, puis de ce qui est de la conscience, donc le double, pour pouvoir confronter l'astral. Fait que je dis, OK, 5 ans. On en va, on commence. Puis là, j'ai commencé mes consultants à faire parler le monde sur le contact, les questionner pour qu'ils fassent la différence entre la manigance du jeu par le biais de l'astral. Puis faut qu'ils renégocient le raisonnement là, là-dedans, là, parce que là, quand c'est dans le jeu, c'est dans l'astral. Puis quand ils me disent que ça, c'est ta source, puis ta source, c'est toi, puis toi, c'est pas le toi que tu penses en jeu, c'est un toi qui est un autre niveau, qui habite la matière, mais qui côtoie l'animal en soi, qu'on appelle l'âme, et puis qui doit arriver à convenir avec l'âme pour une évolution de sa personne à travers les tests que l'âme propose, mais qui soit tout le temps conscient que le test, c'est périphérique à sa personne, et que ce qui est périphérique à sa personne, c'est pas lui. Mais c'est quelque chose qui te fait évoluer, mais qui est mort. Parce qu'une entité, c'est du matériel mort. C'est mort. Et c'est pas un être. C'est pas un être, une entité. C'est une atmosphère. Tu meurs, puis dans l'astral, tu deviens une atmosphère. Une atmosphère de brousseau qui vient te chatouiller les orteils. Tu sais, qui vient te chatouiller les orteils, ça veut dire qu'il te donne une sensation de... On s'entend-tu que Bernard, le personnage, c'est une mémoire, puis que c'est le message qui est important? On s'entend-tu là-dessus? Donc, c'est le message qui est important. Bernard, il est mort, mais ceux qui retiennent le personnage, ils sont dans un mémoriel de Bernard, mais ils ne sont pas dans le message de Bernard. Puis ce n'est pas le message de Bernard. Bernard a véhiculé un message. Donc, il a été simplement le porteur d'un message qui était général pour toutes les gens qui étaient dans un processus d'évolution de conscience. Donc, techniquement, qui est accessible à tous les gens conscients. Mais pourquoi des gens voudraient être propriétaires de l'expérience du personnage? Donc, de parler comme Bernard, c'est parce qu'ils sont dans la mémoire d'eux, donc dans l'aspect astral de la vie des êtres conscients. Vous me suivez jusque-là? Donc, l'évolution des gens, c'est d'être, d'être des porteurs de messages, et l'intelligence qu'ils sont supposés être capables d'avoir accès a l'objectif de porter un message. Peu importe si c'est à une personne ou à 2000 personnes ou à 50 000 personnes. Mais tant et aussi longtemps que tu vas donner de l'importance à ton personnage, tu vas donner de l'importance à des personnages, pas sûr que tu vas être capable de pogner le message. Voilà. C'est quoi le message de Jean Lapierre? C'est-tu Jean Lapierre? Ou c'est le fait d'être un excellent journaliste et puis un extraordinaire vulgarisateur de la politique ou des systèmes politiques, le kit? C'est ça le message. Il y a plein de monde qui peuvent... Il y a bien des gens qui peuvent le faire à sa façon, mais sans être Jean Lapierre, puis sans essayer de le copier non plus. Tu me suis jusque-là? Donc, ta question initiale, c'est... C'était quoi le prérequis pour être capable d'être, mettons, adaptable à toutes les conditions? C'est capable de voir que tu es capable de t'adapter à n'importe quelle condition si tu n'es pas dans un raisonnement et dans un personnage de vie. Mm-hmm. Okay? Si moi, je suis dans un personnage de Ménard, je vais me baser plus sur l'astrologue que sur l'intelligence d'utiliser l'astrologie. Mm-hmm. C'est l'intelligence d'utiliser l'astrologie, c'est d'avoir des points de repère que, bon, oui, c'est un fait, j'ai la chance de bien connaître les mécaniques astrologiques, mais c'est des mécaniques qui s'adressent à l'ego, qui expliquent l'animal, mais qui n'expliquent pas la conscience. Le travail, mon travail réel, moi, là, c'est de faire parler le monde sur le contact. J'ai commencé ça avec les consultants, puis il faut que... C'est assez surprenant. Qu'est-ce que je vais chercher des roches, là? Tu sais, des gens, là, qui sont convaincus qu'ils sont dans un raisonnement, là. Tu connais Madeleine? Elle n'est pas là à soir parce qu'elle est tellement sur le contact qu'elle n'aura plus besoin de ça. Elle peut se permettre de prendre des vacances. Disons, si je voudrais véhiculer le message de Jean Lapierre, disons, oui. Je serais capable d'être impartial dans mes réflexions politiques, si tu veux. Oui. Si je ne suis pas, ça veut dire que je donne plus d'importance à mon image de journaliste que d'autre chose. Voilà. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. En plein ça. Moi, les forces me disaient, Jean Lapierre, c'était comme un initié dans le domaine du journalisme. Mm-hmm. C'était pas un gars normal. Mm-hmm. C'était un gars qui transcendait sa réflexion de lui-même pour avoir une réflexion populiste, comme un initié. Un initié, ça se reconnaît, là. Il y a une façon de faire qui fait que tu es un initié. Mm-hmm. Il y a bien des initiés sur la planète. Il y a des initiés, dans son cas, lui... C'est au niveau du journaliste, la politique, ces choses-là. Mais il y en a dans le domaine de la finance, il y en a dans le domaine de la musique. Bien, les gens ont dit que David Bowie était hors du commun. Moi, je n'aimais pas sa musique, mais pour bien du monde, c'était majeur, là, comme tel. On peut dire qu'un gars comme Angélil, pour Céline Dion, ça a été un initié. Tu sais, initié, là, les gens, ils pensent que c'est juste spirituel, mais tu sais, non, il y a des gens là, qui ont des talents là, qui vont survolter leur environnement, là, que c'est des mesures, c'est des lignes de pensée, c'est des lignes de conduite. C'est pas lui vie comme tel, mais c'est le message qui passe, qui reste. Et c'est le message qui passe qui fait de l'être un initié. C'est ce qui va influencer un environnement qui fait qu'il est un initié. D'avoir au-delà de son raisonnement, il s'adapte à ce qui se passe dans son milieu pour pouvoir continuellement le remodeler, le repercevoir, le re-questionner constamment. Un initié, ça re-questionne continuellement les comportements, tout le temps, tout le temps. Il y a plein de monde qui me traite de gourou. Ils pognent ça, eux autres, gourou, Chris. Si moi je suis gourou, Manitou, qu'est-ce que Bernard pouvait être? Il était au moins 10 fois autoritaire comme je l'étais. C'est hallucinant. Moi, j'étais un gars de terrain, un gars de pratique. Que tu me dis, je suis autoritaire. Ouais, j'ai une chance. Si je ne serais pas autoritaire, si j'aurais aucun crédit. C'est pas. Il n'y a personne qui te donne du crédit dans le domaine qu'on est. Là. Tu sais, Bernard, moi, puis une couple d'autres qui pourra apparaître dans le temps. Là. On est obligé de s'autocréditer. On est obligé d'avoir de l'autorité. On n'a pas le choix. Quand tu dis de remettre en question une décision, tu peux juste établir par rapport à des faits, à des événements qui se produisent et non pas des fondements de pensée ou des fondements de raisonnement, c'est ça qu'il me disait tantôt. Ben la notion de remise en question, c'est d'être capable d'affronter un raisonnement. Tu vas raisonner une situation et puis tu confrontes le raisonnement initial à un événement qui change. Puis là, tu as le culot de dire ce que j'ai décidé là, c'est mal adapté à ma vie immédiate, là. À la situation dans laquelle je suis. Moi, j'étais à Dundee, j'ai pas défait mes boîtes encore. Fait que je peux dire que juste le fait de pas avoir défait mes boîtes, c'est une remise en question. OK? Par contre, si je me laisse le temps de voir si je peux m'adapter à ce nouveau mode de vie-là, je peux voir si mon ego est capable de casser la décision d'avoir été là-bas. Mm-hmm. Tu me suis-tu jusque-là? Transmuter, c'est pas mon... Transmuter, c'est pas mon objectif. Okay. Mon objectif, c'est que ça soit intelligent. Mm-hmm. Il faut que je sache si le mouvement que j'ai fait vers là, qui était un mouvement qui était intelligent pour me libérer de l'obligation de la ville, du raisonnement, du règlement. OK? Il y avait un raisonnement dans le règlement que j'ai pas convenu au règlement. Et puis, ça m'a emmené là. Est-ce que c'est encore valable, le raisonnement d'avoir été là? Qu'est-ce qui va t'indiquer? C'est tout là qui est l'affaire de l'adaptation. L'événement. Dans l'événement, là, je suis là-bas, puis je dors 16 heures par jour. Il y a un chat qui m'a mordu avant que j'arrive là-bas. OK, j'ai dormi 2 nuits, puis il a fallu que j'aille à l'hôpital pour me chercher des antibiotiques, puis ils m'ont gardé. Fait que j'ai pas pu dormir à Dundee avant fin février, parce qu'ils m'ont obligé à dormir à Saint-Jérôme, à l'hôpital. Pas eu le temps de savoir, moi, puis ça fitait là-bas. OK? Puis là, ils m'ont découvert 56 bebelles qui justifient le fait d'aller là-bas pour dormir 14 puis 15 heures par jour. Ça doit faire baisser ma pression, ça, de dormir demain. L'adaptation, il faut quand même que tu y laisses à l'événement le temps de s'exprimer. Là, je les regarde le lit. Hey, j'ai 10-15 chats tous les matins dans mon lit, moi. Là. Je suis pas bien, tu penses? Je suis au chaud tout le temps. La maison était mal chauffée, mais pas dans mon lit. Dans mon lit, c'est qu'il faisait chaud. C'est le fun. T'as pas de restaurant avec. J'ai dit, waouh! Ça coûte peut-être plus cher de gaz venir à Laval, mais ça coûte bien moins cher de gaz parce que j'ai pas de place à aller, j'ai pas de restaurant à faire des dépenses. Tout au bout, le gaz est moins cher là-bas. Tu sais, c'est comme, bon, ben OK. Puis les lignes sont à 6 minutes de chez nous. Le poste frontalier de Dundee, j'ai pas exploré ça encore. Tu sais, je regarde ça pour l'année prochaine. Hein. Tu sais, c'est comme... Laisse à la vie la chance de te faire voir qu'est-ce qu'elle a à t'offrir, puis tu verras après. Peut-être qu'à un moment donné, la décision d'y avoir été, elle va être réversible. Mais là, à date, là, quand je regarde là, le rapport qualité-santé, et non pas qualité-prix, mais qualité-santé, ça a bien du bon sens. Pas mal relax quand je me lève. Je suis levé à 4 heures après-midi, 3 heures, je ne sais pas trop, en tout cas dans ce coin-là. Puis là, bien... Petit café en passant au dépanneur. Une autre petite soupe en passant chez Tim Hortons, qui est à 1 heure de chez nous. Puis, tu sais, On arrive ici, il y a du trafic. T'es pas nerveux. 98,5, t'as les nouvelles. Le trafic, put. C'est le fun, t'es dans la civilisation aussi. T'es entouré de tout ça, le monde. Tandis que quand t'es en ville, puis t'as du trafic, tu capotes, man. Ah, maudit, je vais être en retard. Là, t'es pas en retard de rien. J'ai même été au Mirage, dans mon casier. Et on relaxe, Max. J'ai même pas installé mon computer. Je veux pas me stresser. Je peux pas changer ma décision parce que je laisse à l'événement l'occasion de me faire voir qu'est-ce qui est intelligent. Pas moi qui décide que c'est intelligent. C'est l'événement qui va me démontrer que c'est intelligent. Toi, tu as décidé de te mettre dans un pic de montagne. Chris, c'est pas tout le monde qui a le goût de monter Rocheuse pour aller chez eux. Là. Toi, oui, tu as décidé ça. Bon, tu as dit, moi, je suis sûr que je vais être en forme toute ma vie. Ouais, tu as bien raison. Ben moi, j'ai un escalier chez nous qui va me forcer à être en forme jusqu'à ma mort. Puis si je ne suis pas en forme, je vais descendre l'escalier pour aller finir ma vie en bas de l'escalier. Et taper quand Christ je jure, man. Fait que tout ça pour dire que c'est bien arrangé. Le gars des vieux t'arrange bien ça. Si c'est pas toi qui penses, c'est eux autres qui font que tu dépenses. Puis c'est aussi eux autres qui font que les événements se placent dans ta vie pour qu'il se passe quelque chose. Moi, le chat ne mordait pas. J'aurais jamais su que j'étais diabétique, que je faisais de la haute pression, que j'avais une valve au cœur qui fermait mal, puis j'avais une insuffisance rénale. Puis là, j'ai pas checké mes yeux, là, l'ophtalmologiste, parce que je trouvais que j'avais ma dose de... De mauvaises nouvelles. Ouais, de mauvaises nouvelles, l'autre 30 000, puis tu sais, c'est clair que... Être mort vivant, c'est à peu près pareil. Là, je dis, bon, j'accepte ça, moi, là, puis je m'adapte à ça. C'est sportif, ma vie, moi, là. Tu sais, c'est très sportif. J'ai un témoin que je traîne à peu près dans tous les événements. Puis elle, dernièrement, a signé comme témoin que, bon, Ménard faisait le fou, là. Tu sais? Puis elle, va suivre ça, là. Tu sais, elle va dire, bon, mec, comment ça va se passer dans 2 ans? C'est fine. C'est pas la vie d'un égo normal. J'ai jamais dit que j'étais normal, mais là, c'est clair que je suis pas normal. C'est clair que j'ai pas une vie normale, puis c'est clair que d'emmener le monde à vivre du même virus que moi, c'est-à-dire être sur le contact, ça risque d'être le fun. Non seulement je serais pas normal, mais je vais en créer du monde anormal. Du monde qui sont sur le contact, on s'entend-tu que c'est normal par rapport à un environnement de planète qui est purement dans l'astral puis dans l'ego. Vous voulez vivre... comment qu'ils disent ça? Engagez-vous dans les forces. Hey! C'est moi qui engage. Youhou! Venez me voir. C'est sérieux, ça va rider en tabarnak. En privé comme en groupe. En privé, ça coûte plus cher, c'est tout. C'est la seule différence. Moi, vous brasser le coco en asti, vous allez trouver ça drôle. Hein? Puis ceux qui ne veulent pas, pas grave. On se reverra dans une autre vie. Une, là, j'ai fait peur. Là. Moi, là, non, on n'a pas le goût de vivre ça. OK, fine, pas de trouble. Mais moi, c'est là que je m'en vais. Là. J'ai 5 ans. Là. Mon objectif, moi, c'est d'emmener quelqu'un à voir clair entre ce qui est son aspect astral de vie, là, que le petit contrat qu'elle a avec l'astral, pourquoi qu'elle a un contrat avec l'astral, puis versus qu'est-ce que son contact est capable de faire vivre pour pouvoir s'adapter dans ce monde-là. C'est ça que je vais faire dans les prochains 5 ans. Là, tu dis, ouais, mais t'as lâché ça dans les années passées parce que tu disais que ça brossait trop. Sais-tu que quand les médecins te font voir que t'es malade comme un chien, t'as ci, t'as ça, t'es prêt à mourir. Moi, le dernier que j'ai vu, Hoffman, là, il dit, hey, gars, il dit, t'as plus de sensibilité à telle place. Et puis ça, je dis, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est la gangrène garantie, les yeux doivent être atteints à 100%. Tu vas être aveugle, puis... oui, tu as une chaise avec ça? Je vais prendre ce qui me reste, moi, là, puis on va faire du dégât avant de m'en aller. Le dégât était d'emmener l'astral à se morfondre parce que je suis encore en vie. Ouais, du fun. Du fun, à soir, moi, là. Vous autres, vous êtes toutes peur de mourir. Puis moi, bien, j'attends que ça se passe. Savez-vous qu'est-ce qui est le plus grand, la plus grande conquête de l'âme de l'astral? La plus grande. La conquête de l'astral? Où l'astral gagne tout le temps. Dans votre peur de mourir. Non, c'est pas l'ultime crainte de vie. C'est ça. C'est quoi, l'ultime crainte? L'ultime crainte de vivre. C'est ça. Puis, votre contact, c'est la vie. Mais quand il réussit à vous faire peur avec la mort, il gagne sur l'esprit. Là, c'est merveilleux. J'ai plus peur de crever. Je suis déjà mort. Hey! Fait que moi, ça va avoir un gris de party avec l'astral, moi, là. Comme on dit, t'es capable d'absorber le scénario le plus noir possible. Et voilà. Mm-hmm. Et voilà. Qui, pour moi, va être une libération. Mm-hmm. Parce que mourir, écoute, j'ai failli perdre mon bras, là, OK? Et puis quand ils m'ont gelé ça, là, puis que j'avais plus de bras parce que j'étais gelé d'ici au bout de la main, ils m'ont sorti en faisant un petit trou ici en haut, là. Ils m'ont sorti une canne de Pepsi de pu du bras. La fille a dit, on poussait sur ton bras puis ça giclait par le trou. Puis le médecin, il n'avait jamais vu ça. Il dit, une morsure de chat. Avec une intoxication à ce niveau-là, il dit, j'ai jamais vu ça. J'ai encore la main qui ne peut pas fermer facile. Sais-tu que quand la fille est arrivée, m'a amené le lendemain, puis elle a dit, on a sauvé ta main, puis peut-être même ton bras. J'ai dit, c'est pas ma main qui t'a sauvé, qui t'a sauvé ma vie. Non, ça fait même plus partie de mes objectifs de vie, ça. Plus rien qui m'intéresse au niveau de la sensation. Tout m'intéresse au niveau de l'esprit pour les prochains 5 ans. OK. C'est ça, ma vie. À cause que j'ai été dans un hôpital puis j'ai vu de la misère humaine, est-ce qu'il y a de la misère humaine là-dedans? C'est hallucinant. Mm-hmm. Petite fille de 12 ans qui était à côté de sa mère qui avait une tumeur au cerveau puis qui l'a veillée toute la nuit en disant, je ne sais pas si ça, combien de temps qu'elle va vivre. Hey, c'est bien pire que ma main, ça. Elle m'a fait broyer. T'sais, capote. C'est pire qu'un outal qui se fait frapper sur le bord de chemin, ça. Hein? Non, il y a tellement d'affaires bien importantes dans la vie comme être intelligent. Et être intelligent, c'est pour avoir une entité dans le cul, je peux vous le dire. Quand vous avez une entité dans le cul, là, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes manipulé, vous êtes manigancé, vous êtes conditionné, vous êtes des animaux qui vont à l'abattoir du travail, qui vont à l'abattoir du couple, qui vont à l'abattoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez des vies aussi programmées à des degrés impensables. Vous ne savez pas ce que c'est vivre. Et là, vivre, on va en parler dans le prochain sujet, là, l'engagement. Vous allez comprendre que vous engagez avec votre esprit puis vous engagez au niveau de l'âme, c'est deux mondes complètement différents. Complètement différents.